on observe ce phénomène de plus en plus grandissant de terres arables cédées par l'État, les Chinois, les Américains, les Allemands, les Sud-Africains. C'est devenu aujourd'hui une espèce de valeur refuge, la terre qui, en Afrique, coûte moins cher qu'ailleurs et où les systèmes de gouvernement dysfonctionnels ou alors... je ne sais pas si je peux dire corrompu, mais enfin, où les systèmes de gouvernement très poreux permettent à des investisseurs occidentaux d'acquérir facilement la terre. Pourquoi le cas du Mali ? Parce que je trouvais que le cas du Mali était intéressant. C'est dans la région du centre du Mali qui avait été viabilisée par la colonisation française. On retrouve dans le même, sous la même, précaré, qui est au centre du Mali, des Libyens. Avec Malibia, on retrouve des Américains, on retrouve des Chinois, on retrouve même des Ukrainiens. On retrouve. Enfin, je trouvais que la région de Ségou était en cela symptomatique de ce qui est en train de se passer partout en Afrique. Et c'est une région où il y a qui est extrêmement fertile, même si c'est, même si c'est dans le désert. Ce désert-là est traversé par, par le fleuve Niger qui fait 1700 km. Et qui de ce fait-là rend les terres extrêmement fertiles. Donc, avec Hugo qui a co-réalisé le film avec moi, on avait au départ voulu faire un film sur la culture du riz et sur tous les enjeux liés à l'alimentation en 2050. Et finalement, on est parti au Mali et on s'est rendu compte que là-bas, il y avait ce consortium anglo-américano-britannique-sud-africain qui s'installait et qui n'était pas conscient que les paysans n'étaient pas en demande, n'étaient pas en attente. Ils arrivaient et étaient persuadés qu'ils apportaient le développement, la civilisation à des populations arriérées. Donc, pour nous, tout était réuni pour raconter l'histoire de la cession des terres arables au Mali dans cette région-là. D'entrée de jeu, vous mettez en exergue le rapport à l'argent en deux cosmogonies, soit celle de l'Afrique et de l'Occident. Quelles sont les valeurs qui diffèrent ici? Alors, on va éviter d'être simpliste en disant que les valeurs entre l'Occident au sujet de l'argent diffèrent. On a tous besoin d'argent et même les populations du centre en ont besoin. Mais je pense que ce qui diffère fondamentalement pour ces populations que j'ai filmées, c'est le sens donné à l'argent. C'est-à-dire que les investisseurs qui arrivent sont persuadés que du fait qu'on va leur construire des maisons, des hôpitaux, apporter l'électricité, on va leur apporter le bonheur. Ces Maliens-là que j'ai filmés considèrent l'argent comme un moyen de faciliter leur vie, leur quotidien, mais pas comme un but ultime en soi. C'est pour ça qu'ils disent dans le film, et ils me l'ont dit à moi, mais moi on me donnerait 1 million d'euros, mais qu'est-ce que j'en ferais? Je suis déjà heureux. Et j'ai l'impression que ces personnes qui me forcent à être heureux selon leurs critères et leurs valeurs à eux, en fait cherchent leur bonheur à eux et pas le mien. Et donc ça, c'était assez frappant, notamment de voir des Américains qui ne comprenaient pas que le développement qu'ils apportaient, que... parce qu'on leur a même dit « votre village sera comme Paris ». Et eux, ils disaient « nous, on est très bien dans notre village comme il est, nos grands-parents sont enterrés là, on est nés là ». C'est des villages qui ont quand même 9 siècles. Mm-hmm. Et qui sont menacés d'être balayés par des champs de canne à sucre. Donc vous comprenez que la valeur, le rapport au monde même de ces personnes-là est totalement différent du rapport au monde que des personnes attachées à l'argent, que des personnes plus urbanisées auraient, même en Afrique. Selon vous, quelles sont les causes profondes qui alimentent ce problème, le développement agraire et même la conception foncière? Est dictée en premier par des impératifs pécuniers, restreints. Alors, je crois que ce qui alimente cela, c'est à plusieurs niveaux. Hein. Il faut voir que dans plusieurs pays africains aujourd'hui, et même dans des pays comme le Brésil, les terres sont cédées pour faire de l'agrocarburant. Alors, il y a deux raisons. Aujourd'hui, en Occident, on a l'impératif du bio. Tous les nouveaux mouvements sociaux autour du développement durable sont essentiels, effectivement, sur la préservation de notre planète. Mais la conséquence, c'est que l'Afrique, qui est un peu le réceptacle de tout, où les lois sont flexibles, hein, selon qu'on peut, on peut payer ou pas, se retrouvent en train de développer une agriculture à destination des pays du Nord ou des pays asiatiques où les terres sont moins fertiles. Donc ça, c'est la première raison. C'est le jatropha, par exemple, qui est cultivé. La canne à sucre, pour reprendre le cas du Mali que j'ai filmé, la canne à sucre, elle est cultivée pour produire du sucre, certes, mais aussi pour produire de du biocarburant. Okay. Donc, je ne sais pas si vous voyez, c'est-à-dire que les terres arables vont être, au bout de 15 ans, desséchées à cause de la monoculture. Les populations qui vivaient sur ces terres-là ne pourront plus les cultiver. Et on va transformer des agriculteurs, enfin des riziculteurs en canneculteurs, en étant conscient qu'au bout de 20 ans, la terre qui va être extrêmement sollicitée va être asséchée. Mais c'est pour des raisons à la base louables, hein, qui sont celles de produire du biocarburant. Le biocarburant qui est devenu aussi un business, qui est devenu extrêmement rentable. Donc, ces compagnies-là, quand elles s'installent, l'objectif est effectivement est d'abord financier. Et puis, la seconde chose, c'est que il y a beaucoup d'investissements qui n'ont pas été rentables. Et le foncier est devenu, je pense, au XXIe siècle, le moyen de pouvoir investir. C'est le principe de valeur refuge où les gens investissent en espérant un retour sur investissement rapide, parce que c'est des projets massifs, des investissements très très lourds financièrement. Au Mali, c'était quand même 700 millions de dollars qui devaient être investis dans la région, dans ce projet-là, pour une rentabilité rapide. Les enjeux de profit sont évidents, mais comme ces agro-businessmen qui arrivent offrent en échange une forme de développement, hein, selon leurs normes à eux, avec des écoles, des hôpitaux, c'est perçu finalement, enfin c'est présenté comme des projets sociaux de développement. Mais à mon avis, la seule raison qui motive des hommes d'affaires à s'installer là, c'est pour faire des profits. Est-ce que ces pays-là, avec des lois qui sont ajustables et variables en fonction du partenaire financier ou en fonction du régime politique. J'ai tourné au Mali où, au début du tournage, on avait des populations qui devaient être expulsées parce qu'il y avait un gouvernement qui était en place. Et une fois qu'il y a eu un coup d'État, le gouvernement ayant changé, les populations ont été soulagées. Elles étaient ravies du coup d'État parce qu'au moins ça préservait leurs terres. Mais les investisseurs, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, bon, on va passer le nouveau deal avec le nouveau gouvernement. C'est des États fragiles. C'est des États fragiles. C'est des États où le foncier est facilement accessible pour la simple raison que les populations qui vivent sur ces terres-là, même si c'est leur village depuis 9 siècles, n'ont pas de titre foncier. Et en Afrique, dans la plupart des pays, le foncier appartient à l'État. Et l'État est capable de vous exproprier si vous n'avez pas de titre sur votre terre, très facilement, de céder la terre à des agro-industriels. Il n'y a pas de structure vraiment, enfin à mon avis, hein, il n'y a pas de structure ni de loi auxquelles on puisse se référer en se disant, tiens, voilà, on va céder la terre, mais les normes établies, les normes existantes sont celles-là. Elles sont flexibles. La place du droit coutumier, ce qui répond à la question de à qui appartient la terre, pourrait... Pas réfléchir. À une époque où le droit coutumier avait encore une force, avait encore force de loi, par exemple, oui, c'était possible. Aujourd'hui, devant un tribunal administratif ou un tribunal de l'État, le droit coutumier est inexistant. Il est inexistant, sauf peut-être pour des cas de polygamie et ce genre de situation qui relève du domaine privé. Mais quand la machine d'État se met en place pour accaparer une terre, enfin, accaparer, disent-ils, non, pour récupérer une terre, expulser des paysans, il n'y a rien que les paysans puissent faire. Par contre, il y a des mouvements sociaux qui sont mis en place, il y a des mouvements de résistance paysans. Et le Mali, en cela, vous me demandiez au début pourquoi le Mali. Le Mali aussi, parce que c'est l'un des pays en Afrique où la société civile est très très forte, où elle a pu faire reculer parfois l'État. Vous le démontrez bien dans votre film. Voilà, où elle a pu faire reculer l'État, Mais globalement, ailleurs, ça se passe comme une lettre à la poste. Quelles ont été les conditions pour tourner au Mali? Pour tourner au Mali, avant le coup d'État, ce n'était pas très compliqué parce que tout est transparent, en fait. Hein. Tout paraît transparent. Il y a d'un côté les populations qui résistent, de l'autre côté les agro-industriels. On a tenu, avec le co-réalisateur du film, à montrer tout ce qu'il faisait et puis le fait, finalement. Je sais pas, vous avez vu le film, quand vous voyez Mima, il est convaincu de ce qu'il fait. Ce n'est pas simplement l'homme d'affaires américain caricatural qui vient avec ses gros sabots. C'est quelqu'un qui est persuadé d'apporter quelque chose de positif, mais qui est quand même insistant. Et il ne se rend pas compte qu'en face, les populations ne sont pas en attente, elles ne sont pas en demande. Donc nous, quand on a filmé, on a pu passer assez facilement d'un groupe à l'autre. Mais ce qu'il faut dire, ça prend beaucoup de temps avant de commencer à filmer, d'établir une relation de confiance avec les gens, qu'ils comprennent ce que vous faites. Ils sont très méfiants vis-à-vis des étrangers, je parle des Maliens, et quand ils nous voyaient un coup avec ceux qu'ils considéraient comme leurs agresseurs, ils ne comprenaient pas. Mais à la fin, ils ont compris qu'on n'était pas là pour faire le procès des agro-industriels, ni pour servir les intérêts des paysans. On était là pour montrer une situation qui était quand même complexe, parce qu'il y a des paysans aussi qui étaient ravis d'abandonner la terre. Okay. Est-ce que votre film a été présenté, par exemple, au Mali ou en Afrique, ce film-là en particulier? Le film n'a pas encore été présenté en Afrique parce qu'on l'a terminé en fait en août 2012. Il a commencé une carrière en festival et je pense qu'on va retourner au Mali pour le montrer dans quelques mois. Pour terminer, quel message lancez-vous aux cinéastes pour continuer à produire des documentaires engagés sur l'Afrique? Faire du cinéma est très difficile, du documentaire encore plus, sur l'Afrique encore plus. Je pense que lorsqu'on est passionné, lorsqu'on est habité par ce qu'on veut faire, il faut continuer, il faut s'accrocher. Il est important pour moi, africaine, qu'on montre aussi des images qui viennent de chez nous et qui sont filmées par nous. C'est essentiel. On ne doit pas abandonner le champ du cinéma à d'autres qui nous représentent selon leurs critères à eux. Et en faisant tous les films que j'ai fait en Afrique, je me suis rendu compte qu'en filmant avec mon regard à moi, ce que les gens me disent, que ce soit à Taïwan ou à Washington ou à Stockholm, c'est que les personnes que tu filmes nous ressemblent. Pourtant, c'est dans des contextes différents et ce n'est pas les mêmes couleurs de peau. Pour moi, c'est le signe que lorsqu'on filme des gens dans leur humanité, en les humanisant, il y a quelque chose d'universel. Oui, c'était une entrevue avec Oswald Lewat, cinéaste, dont le dernier documentaire s'intitule Land Rush, qui a été tourné au Mali. Nous allons poursuivre.